Comment naît l'amitié ? L'amitié partage beaucoup de choses avec l'amour et leur relation entre l'amitié et l'amour ou entre l'amour et l'amitié est un des problèmes les plus profonds de la vie humaine et de la philosophie dans son ensemble. Mais il y a un aspect que l'amitié partage avec l'amour sans être pourtant tout à fait de la même façon. Ce qui conduit vers leur unité et vers leur différence, c'est la manière dont ils surgissent, c'est la manière dont ils naissent. Il y a un point commun entre l'amour et l'amitié. C'est en effet que, en dehors de leur essence, en dehors de leur fonction, en dehors de leur bien et aussi de leur fragilité, de ce qu'ils peuvent apporter à l'existence humaine, ils ont une histoire. Ils naissent, ils surgissent dans nos vies. Nous avons l'impression que nous existons et tout à coup surgissent dans nos vies des rencontres avec un ou une telle dans sa singularité que nous appelons l'amitié ou l'amour. Le point commun le plus étonnant entre l'amitié et l'amour, c'est finalement qu'il y a un avant et un après. Il y a une naissance et aussi une renaissance qui est apportée par ces rencontres, à tel point qu'on parle pour l'amour de coup de foudre et pour l'amitié de rencontre déterminante qui a infléchi le sens de nos vies. Mais si l'on veut comprendre justement aussi la différence entre l'amour et l'amitié, il faut se rapporter à un élément très simple, c'est que la rencontre amicale n'est jamais neutre, elle n'est jamais seulement une sorte de supplément anodin à des rencontres dans d'autres ordres, par exemple professionnels ou de loisirs ou d'activités, quelles qu'elles soient. Comme le disait Aristote, l'amitié est ce supplément. Nous partageons quelque chose, l'utilité, le plaisir ou la vertu ou le savoir, et en plus, nous rencontrons quelqu'un. Non, l'amitié, c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose qui, dans la personne d'autrui, m'apporte et me révèle quelque chose de moi-même. Cela a une dimension, comme diraient les philosophes, ontologique. Cela devient quelque chose de mon être, de mon essence. Cela m'apprend quelque chose de moi dans l'être singulier d'autrui et pas seulement dans ses actes, même si bien sûr l'amitié comme l'amour doit se prouver par des actes, par le fait de se vouloir et de se procurer du bien. Mais alors on comprend la différence aussi entre l'amour et l'amitié, c'est que l'amitié suppose malgré tout déjà que nous existions un peu. Nous existons, nous savons qui nous sommes et l'amitié nous apporte un supplément inattendu, une révélation d'une partie de nous-mêmes qui nous devient infiniment chère avec la présence de l'autre. Mais l'amour va encore plus loin, car l'amour n'est pas seulement un aspect de notre existence, mais la condition de notre existence. Avoir été aimé au début de notre vie est la condition même de notre vie elle-même. Et quand nous tombons amoureux, nous rejouons l'ensemble de notre être. C'est quelque chose d'absolu à la vie, à la mort. L'amitié, on dit parfois à la vie, à la mort, mais l'amitié suppose en réalité que nous existions déjà. Ainsi, l'amitié est à la fois moins profonde que l'amour, mais peut-être en révèle la structure cachée, la structure relationnelle, ce que nous nous apportons les uns aux autres. Il y a entre elles un lien profond et une distinction qu'il faut aussi approfondir.